Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous commençons l'émission par un voyage dans le temps. Nous allons le faire en compagnie de Marie-Claude Dionne, une nouvelle voix à l'émission. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors Marie-Claude, tu es étudiante à la maîtrise en géographie, mais tu as aussi un bac en archéologie. C'est exact. Donc, et tu as choisi d'en faire un petit peu ton thème pour les chroniques à venir, en fait de médiatiser davantage cette science de l'archéologie. Exactement, qui est très peu connue. Ben oui, c'est ça, exactement. Et pourtant, c'est de là d'où on vient, c'est nos origines. Oui. Donc, on va commencer par le début, en fait, quand on parle d'archéologie, on parle de quoi? En fait, l'archéologie, c'est l'étude scientifique des vestiges matériels qui sont laissés par l'activité des hommes. Et le mot archéologie provient du mot grec archaïa, qui veut dire les vieilles choses. Et logos, qui est théorie ou science, mm-hmm. En fait, on parle d'une science des vieilles choses avec l'archéologie. De plus, l'archéologie, c'est un champ d'étude qui incorpore beaucoup de méthodes et de théories de d'autres disciplines comme l'anthropologie, la biologie, la géologie et l'histoire. C'est pluridisciplinaire. Exactement. Et pour donner un petit exemple, les vestiges archéologiques que l'on peut retrouver vont des premiers outils datant du paléolithique jusqu'aux différents objets utilisés encore aujourd'hui. Puis le paléolithique, ça, pour nous donner une idée, nous qui sommes un peu ignares dans la question. c'est il y a très, très longtemps. Donc, on parle à peu près 300 000 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Donc, c'est très, très vieux. D'où le nom aussi paléolithique. Ouais. Paléo, c'est vieille. Vieux, ouais. C'est vieille pierre. Exactement, oui. Et donc, les archéologues étudient les hommes sur une très longue échelle de temps. On a notamment découvert des anciennes sociétés qui ont existé des milliers d'années avant les Égyptiens et Mésopotamiens, donc ça fait très, très longtemps aussi. Et donc, traditionnellement, l'objet de l'archéologie était d'obtenir une meilleure connaissance scientifique des activités de l'homme dans le passé sur la base des vestiges matériels laissés derrière eux. Et l'archéologie se posait alors aux mythes et au folklore, ainsi qu'aux antiquaires et à leur cabinet de curiosité. Ah oui. Aujourd'hui, par exemple, les objectifs et les buts de l'archéologie sont beaucoup plus diverses, là, puis on va revenir un petit peu plus tard dans ma chronique. Au tout début, je vais faire un petit historique du champ de recherche archéologique. Et de prime abord, l'archéologie dégage quelque chose de romantique, c'est vrai, hein? De romanesque. Ouais. On peut penser aux trésors cachés, aux pyramides, ou aux pharaons chargés d'or, et bien entendu, les civilisations perdues. Puis avec des trésors cachés, puis des civilisations perdues, on s'imagine un peu les archéologues comme les aventuriers du style Indiana Jones, mais c'est peut-être pas tout à fait ça en réalité. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir que c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas. Exactement. Mais... Parce qu'au début, c'était vraiment ça. Ah ouais. Les archéologues étaient bel et bien ce genre de personnes. On enlève les pistolets, par exemple. D'accord, c'était pas présent. Les archéologues étaient des aventuriers. Il y avait des collectionneurs occasionnels aussi qui étaient soucieux d'une gloire ou d'une fortune. Des fois, c'était tout simplement à la recherche d'artefacts pour ajouter à leur collection privée. Ah, ça fait bien chez eux. Exactement, c'était beau. Il faut savoir que de grands tours organisés, des voyages organisés, dans la région méditerranéenne, était une pratique courante pour les hommes aristocratiques dès le 17e siècle. Ça occasionnait le rapatriement de plusieurs objets archéologiques, objets précieux aussi. Aussi en Angleterre, aux alentours du 19e siècle, de nombreux propriétaires terriens creusaient des tranchées dans les tumuli à la recherche d'urnes funéraires et de squelettes. Et normalement, ils allaient célébrer leur découverte en faisant des soupers, des dîners où l'on buvait avec les gobelets de céramique tout juste sortis de terre. Ah oui, c'est charmant. Exact. Mais bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Exact. Et donc à ce moment-là, quand a-t-on reconnu l'archéologie comme une discipline scientifique? Parce que là, finalement, ils se vantaient, ils faisaient des trouvailles, ils les exhibaient, mais est-ce qu'il y avait une recherche scientifique associée? Il n'y en avait pas, bien entendu. L'approche plus scientifique, elle apparaît vers les années 1870. Tandis qu'Henri Schliemann, un archéologue allemand, découvre la mythique ville de Troie d'une façon pas très orthodoxe. Il y a un certain Alexander Konz, aussi un archéologue allemand, qui travaille sur la ville d'Olympie en Grèce. Et lui, il travaille avec des architectes et des maçons. Leur préoccupation, plus scientifique que celle de Schliemann, était d'acquérir les connaissances tout en étant conscient du besoin de conservation. Ils ont littéralement changé la phase de l'archéologie. En fait, ils ont utilisé un processus minutieux d'enregistrement des données pour perdre aucune notion. Mais là, tu nous parles de ces archéologues allemands qui ont découvert Troie et Olympie. Et plus généralement, on a l'impression, en fait, que les découvertes archéologiques sont souvent portées par des hommes. On pense à Champollion, peut-être, ou à d'autres que je ne connais pas. On a l'impression que c'est toujours des images masculines. Est-ce que l'archéologie est un milieu masculin? Il l'a été très longtemps. Mm-hmm. Mais vers la fin des années 1900, à la fin du 19e siècle plutôt, on va avoir deux femmes qui vont devenir les pionnières de la présence féminine sur des chantiers de fouilles. Ils vont travailler même sur leur propre site archéologique. Il y a l'Anglaise Gertrude Bell, qui elle qualifiée de la mère de l'archéologie mésopotamienne. Et il y a mm-hmm. aussi l'Américaine Harriet Hawes, qui, elle, était une érudite en histoire grecque. Mm-hmm. Donc, ça se fait féminiser. Exact. D'accord. Alors, bon, c'est bien beau, là, de faire ces fouilles, de découvrir des vestiges, mais au fond, pourquoi mettre à jour ces vestiges? Qu'est-ce que les archéologues recherchent en découvrant des vieilles pierres ou des vieux objets? En fait, de façon générale, le but de l'archéologie est de préserver et de conserver les vestiges matériels du passé, afin d'en faire profiter les générations futures. Il faut préciser toutefois que les données archéologiques ne sont pas infinies et non plus inépuisable. Une fois qu'un site est creusé par les archéologues, le site devient perturbé mm-hmm. et on peut perdre plusieurs informations, que ce soit par la perturbation de la stratigraphie, qui est c'est la perte des couches d'occupation, ou tout simplement par la dégradation des artefacts une fois qu'ils sont mis à l'air, libre. Car les conditions anaérobiques du sol, mm-hmm. Là où il n'y a pas d'oxygène, ça préserve merveilleusement bien certains types d'objets archéologiques. On peut penser aux grains de pollen, ou au verre aussi. Donc, les objectifs que l'archéologie poursuit sont de construire l'histoire culturelle qui, elle, a pour but de répondre à la question « qu'est-ce qui s'est passé, quand et où? Mm-hmm. » Aussi, on va tenter de reconstruire les modes de vie du passé. Il peut alors s'agir de l'organisation sociale, des croyances religieuses ou même des modes de subsistance. Et finalement, on va tenter d'expliquer les changements qui ont pu se produire au sein d'une mm-hmm. culture aussi. Alors, comment on fait pour étudier les vestiges, pour les faire parler et leur faire dire tout ce que tu viens de dire? En fait, la notion de vestige archéologique ou de vestige matériel peut sembler floue pour quiconque qui est novice en la matière. En fait, il s'agit tout simplement de tout ce qui subsiste de l'activité humaine. Cela inclut les structures, les objets et les traces laissées par le passage de l'homme. Ces vestiges, ils deviennent le témoin du passé mm-hmm. sur lesquels les archéologues vont se pencher pour les faire parler. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples, par exemple, je sais pas, du charbon, est-ce que c'en est? C'est pas une empreinte de pas? Exactement. Ouais. Déjà, c'est deux très bons exemples. Ça peut être des objets pour la cuisson de la nourriture mm-hmm. aussi. On peut avoir des structures, des fondations de maisons aussi. Ça peut être en bois, en pierre. Il mm-hmm. faut dire que le bois, tout ce qui est des matières organiques, ça se retrouve moins souvent aussi, par mm-hmm. exemple. Et donc, de ces nombreux types de vestiges-là, découle une grande diversité dans le champ de recherche pour les archéologues. On va retrouver les préhistoriens ou l'archéologie préhistorique qui étudie, elle, les premiers humains jusqu'à la frontière de l'histoire écrite. Mm-hmm. Certains d'entre eux vont s'afficher comme des spécialistes dans les outils, soit en pierre, en bois ou en os, ou même il y aura des spécialistes dans les différents types d'art. Le tout se décline par région. C'est-à-dire différents styles esthétiques et ou technologiques. Parce que dans les différentes régions du monde, les gens n'ont pas conçu les poteries de la même façon, exactement. Avec les mêmes dessins ou avec la même technique, tout simplement. C'est exact. D'accord. On peut quand même trouver de la diffusion culturelle qui va être des signes qui vont se ressembler à travers le temps et à travers les mm-hmm. gens. Ouais. Parce qu'il faut dire que les gens aussi se côtoyaient, donc il y avait des échanges de traits culturels. Ça doit être intéressant d'ailleurs de retracer ça, le déplacement des populations. Oui, certainement. Ça peut expliquer beaucoup de trucs aussi, pas seulement au niveau de l'esthétique, mais au niveau du social, comment mm-hmm. les gens pouvaient faire le commerce ou le marché, en fait. C'est vraiment très intéressant. Donc, le tout se décline, comme je disais, par style esthétique et ou technologique, et ça correspond toujours à un endroit distinct qui est délimité dans l'espace, mais aussi dans le temps. On va retrouver l'archéologie classique, qui est l'étude des civilisations grecques ou romaines. Il y a l'archéologie biblique et l'archéologie historique. D'ailleurs, cette dernière consiste à l'étude archéologique des peuples pour lesquels il existe des archives écrites. Mm-hmm. Et la liste est beaucoup plus longue que ça. On distingue en plus d'autres spécialisations, comme la paléobotanique, qui étudie les plantes, l'archéo-entomologie, qui s'intéresse aux insectes, et la zooarchéologie, c'est un champ de recherche qui analyse les ossements d'animaux. Ah oui, donc ils ont tenu compagnie à ces humains, probablement. Oui. Alors finalement, l'archéologie, ça se décline en plusieurs sous-disciplines qui sont chacune très spécialisées et qui vont même jusqu'à l'étude des insectes ou des plantes. Mais ça apporte quoi d'étudier les insectes sur les sites préhistoriques ou sur les sites archéologiques? C'est toujours intéressant d'aller voir ces données-là parce qu'ils vont nous donner des informations autres sur l'homme d'une façon indirecte, on peut dire. Mm-hmm. Les insectes nous révèlent, entre autres, la température et le climat général. La paléobotanique nous enseigne sur l'environnement des sites occupés, ainsi que la diète des humains. La zooarchéologie, peut nous dire quelle était la nourriture de prédilection de tel ou tel groupe de gens. Mais l'analyse des données recueillies est l'un des plus grands défis pour l'archéologue. Les données qu'on retrouve sont souvent difficiles à départager sur un site parce que le même site peut avoir fait l'objet d'occupations successives par différents groupes de personnes. Pour pouvoir bien distinguer les périodes historiques et les groupes d'occupation, il importe de faire une analyse stratigraphique et aussi une analyse de la répartition spatiale des vestiges qu'on aura trouvés qui permettra de mieux comprendre l'histoire du site ou l'historique du site étudié. Donc finalement, tous les archéologues ne se ressemblent pas. Exact, c'est vrai. La discipline est plutôt variée et ce qui en fait en grande partie son charme et son intérêt. Et pour reprendre une question posée par l'archéologue théoricien Yann Odaire, qu'est-ce qu'un archéologue qui reconstruit le climat en 40 000 avant aujourd'hui a en commun avec un archéologue qui étudie les pierres tombales du 19e siècle à New York? Il y a très peu de choses en commun. Ça illustre la diversité. Exact. Mais pourtant, j'aurais envie de dire qu'il y a un point commun entre tous ces archéologues, c'est qu'ils fouillent le sol. Oui, c'est vrai. On peut généraliser et dire que tous les archéologues creusent. Néanmoins, ce point de vue doit être nuancé un peu, parce que déjà au 11e siècle, on creusait pour retrouver les ossements d'un certain Saint-Étienne, et ce n'était aucunement dans un but archéologique. Et aujourd'hui, parfois, il arrive que l'on creuse pas du tout. Entre autres, en Angleterre, la conservation et une approche non destructive sont priorisées avec l'archéologie du paysage. Ah oui. Dans ce cadre d'approche, on va prioriser les enquêtes sur le terrain et la prospection, ce qui peut se traduire par l'utilisation des géoradars et parfois même par l'utilisation d'un détecteur de métal. Et voilà. Donc, c'est un survol de l'archéologie. Exact. C'est ça? Oui. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a un engouement puis un intérêt du grand public pour cette discipline. Et c'est sans cesse aussi fort. Il y a toujours ça à travers les âges. Mais toujours est-il qu'elle reste encore une des plus méconnues, laissant derrière elle quelques traces de rêve. Il y a une aura de mystère un Exactement. Petit peu. Exactement. Toujours à l'amusement des archéologues. Oui. Probablement. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ce survol. Et peut-être que dans tes prochaines chroniques, tu nous parleras de l'archéologie au Québec, peut-être? Ce serait vraiment intéressant, parce qu'au Québec, on trouve plusieurs sites. Ça passe de la préhistoire avec les Amérindiens, l'histoire des Français, des Anglais, mais aussi des Vikings qui se sont posés à quelque part au Québec, et aussi des Basques, en fait. Ah, donc, on a une grande histoire archéologique. Ouais. Merci beaucoup Marie-Claude. Merci beaucoup Valérie. Et puis maintenant on passe en pause musicale sur CKRL au 89.1.